la revue à la télé. Comment pas, je veux voir que alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille du dimanche 14 octobre 2018. Alors, bienvenue à tous mes nouveaux auditeurs. Plaisir de vous retrouver ce soir autour d'une production sonore tout à fait singulière, originale. Je vous propose au cours de la prochaine heure une rencontre avec Anne-François Jacques. C'est une artiste sonore très active et engagée sur la scène nationale et internationale depuis une quinzaine d'années. Anne-Françoise performe régulièrement, fabrique des installations sonores et réalise les bandes-sons, des bandes-sons de films d'animation. Son travail a été présenté dans plusieurs festivals, dont MUTEC à Montréal, au Club Transmédial à Berlin, au NEM de Bilbao, au Sonoscopia de Porto, au Portugal, et j'en passe. Elle a travaillé au sein de divers ensembles ou collectifs, et je pense notamment à Mini-Bloc et au collectif FUNF. Anne-Françoise Jacques a aussi présenté son travail hors les murs, dans divers lieux publics, des parcs, des sorties de métro, des zones à peine défrichées, dont une intervention sonore qu'elle présentait sur la rue William dans le cadre de l'événement Place publique. C'était présenté à Montréal en août 2018. Alors voilà, on vient d'entendre un extrait de l'album, d'un album intitulé Some Asperity. Ça s'intitulait Continuous Sliding. C'est un extrait et on retrouve ça sur étiquette Zero Moon sur la plateforme Bandcamp. Vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs des œuvres de Anne-Françoise. Alors à propos d'Anne-Françoise Jacques, c'est une artiste sonore qui est aussi, elle se plaît à le dire, une mécanicienne de bicyclette. Elle est basée à Montréal. Sur le plan sonore, Anne-Françoise s'intéresse particulièrement à l'amplification de petits objets, s'intéresse à l'électricité, mais comme matière première. Elle va aussi exploiter les grattements, faire du collage sonore qu'on pourrait qualifier d'impromptu ou d'improvisé de toutes pièces en utilisant papier, tiges métalliques, morceaux de bois, amas de pierre, bref. Son travail est vraiment original. On peut le qualifier de minimaliste, très subtil sur le plan acoustique. Elle développe toutes sortes de dispositifs pour produire du son. Elle construit des engins qui sont à la fois contrôlés et vraiment, ma foi, pas contrôlés du tout. Alors, vous l'avez compris, elle travaille le son avec des matériaux trouvés. Elle amalgame qu'elle amalgame à des machines low-tech, des moteurs, des résonateurs, du matériel électrique, trouvé un bout de fil et d'autres objets qu'on pourrait qualifier de contondants. Elle a mené jusqu'à maintenant de très nombreux projets de collaboration avec Tim Olive, Ryoko Akama et Julie Doucet sur le plan cinématographique, entre autres. Alors, Anne-Françoise Jacques a présenté plusieurs installations sonores et performances en direct en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe et au Japon. Alors voilà que j'ai eu la chance de rencontrer Anne-Françoise Jacques il y a maintenant quelques semaines, alors qu'elle menait un projet de résidence et de performance chez Avatar avec l'artiste, musicien, expérimentateur, créateur sonore Éric Normand. La résidence a donné lieu à une performance qui était présentée en septembre dernier dans le cadre de la rentrée culturelle de Méduse, une performance qui a réuni pas mal de public et qui s'intitulait « Bande de cabochons ». Alors, un titre assez évocateur qui représente assez bien le travail à la fois rudimentaire, ludique et de nature un peu approximative de leur processus et de création et de diffusion. La performance et l'installation présentée chez Avatar exprimaient assez bien l'esprit de leur recherche autour de quelques phénomènes simples, vibrations de matériaux souples, cordes sous tension, interactions mécaniques avec, voilà, comme je l'ai raconté, divers objets électriques amplifiés et réamplifiés. Alors, pour reprendre les termes qu'on retrouve sur le communiqué accompagnant leur projet de présentation publique, et là, j'ouvre les guillemets, on dit « ce projet visait à assembler un réseau d'interactions entre plusieurs éléments mécaniques, électriques et acoustiques pour générer une installation où les éléments pouvaient s'influencer mutuellement jusqu'à confondre et la cause et l'effet. Alors, trêve de descriptif et de placotage, on écoute ensemble cette entrevue que j'ai réalisée avec Anne-Françoise Jacques en septembre dernier autour de sa démarche sonore et je vous propose en intro un extrait d'une performance qu'elle réalisait avec Philippe Lausier et Éric Normand sous l'intitulé Note de musique en anglais. Anne-Françoise, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Anne-Françoise, d'entrée de jeu, je voulais te poser cette question un peu sur le titre un peu mystérieux de votre installation. C'est un clin d'œil. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire, on a commencé ce travail-là avec Eric sans trop savoir où est-ce qu'on s'en allait. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on se connaît, moi et Eric, on a joué beaucoup en live ensemble, mais on n'a jamais fait de travail installatif. Donc, on a eu cette idée-là, soumis à Avatar. On savait quelle direction de travail on voulait prendre, mais on n'avait pas. C'est un projet vraiment, disons, les deux mains dans la pâte, là, plus que basé autour d'un concept abstrait ou quoi que ce soit. Donc, on avait un type de travail au début, mais qui rapidement, on a trouvé insuffisant. Puis, cabochon, c'est qu'en travaillant ensemble ici au mois de janvier, on disait tout le temps, ah, mais là, on travaille en cabochon. Puis moi, j'aime beaucoup ça, cette notion de patenter, de travailler croche, de faire les trucs qui sont un peu n'importe comment, mais de les faire. T'as l'impression que ça va tomber, mais ça tombe pas. Ça marche presque, ou ça marche un peu. Donc, puis en fait, il y a beaucoup de ça dans ce travail-là. C'est vraiment du travailler en cabochon, c'est-à-dire les choses tiennent avec du tape, avec des tie wraps, on travaille avec les matériaux presque les plus fragiles et cassants possibles, sont à terre, fait qu'on marche dessus tout le temps. Puis ça vient à faire partie de non seulement de l'esthétique puis de l'humour de la pièce, mais de son fonctionnement, le fait que les choses ont envie de tomber. Anne-Françoise, cette installation va être présentée ce soir. Là, on est en différé, mais ça va être présenté ce soir chez Avatar. J'aimerais que tu me décrives l'installation en tant que telle. D'accord. Fait que ce qu'on a développé, c'est une série de, disons, d'assemblages en mouvement. Donc, des assemblages de moteurs, d'objets, de matériaux simples, beaucoup de longs goujons de bois, de papier, de roches, de choses, de cordes, de choses qui ressemblent même vaguement à des poubelles. En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent des poubelles directement. De la récup en tant que telle? Oui. Mais donc, des choses qui ont déjà eu une vie. Puis qui là ont une espèce d'autre vie en mouvement. Et tout ça amplifié, et puis des espèces de systèmes très simples électriques de choses qui en déclenchent d'autres. Donc, une espèce de. Et ce soir, est-ce que pour le public, est-ce que vous êtes en prestation, en performance, ou si on est vraiment dans un contexte d'installation où le public va se déplacer? Ça va être présenté sous forme d'installation en fin de semaine, samedi et dimanche. Mais ce soir, ce qu'on fait, c'est plus une performance, c'est-à-dire, c'est pas une performance comme on fait parfois, là, t'sais, assis à une table avec un système de son central. Mais c'est plus qu'on va être les deux dans notre installation à activer, désactiver des choses, modifier. Parce que vu que c'est comme une assez grande population d'assemblage sonore, ça permet aussi de créer des courbes, puis créer différents points de vue, points d'écoute, des fois de focusser sur un autre s'ajoute. Donc, créer des trous, en fait, dans cette installation-là. Anne-Françoise, on va écouter un extrait de cette installation qui a été présentée au public. Thank you. Anne-Françoise, bon, on vient d'entendre un extrait là, de cette installation que vous présentez ce soir, qui s'appelle Bande de Cabochon. J'aimerais que tu me parles de ton parcours. Comment t'en arrives à l'expérimentation sonore, à l'installation, à cette démarche qui est très, qui tourne beaucoup autour de la construction des dispositifs, qu'ils soient électroniques ou parfois même très liés à une dimension un peu de non-technologie, utiliser des objets trouvés, et ainsi de suite? C'est une question compliquée, fait que la réponse est compliquée. C'est-à-dire que j'ai un parcours un peu oblique, disons. Fait que je pense que c'est la rencontre de plusieurs choses. Un intérêt pour le son, ça c'est sûr. Puis tout ce qui est plus au niveau du son, à la fois de la musique expérimentale, mais vraiment du son très concret, du son des matériaux, quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Après, au niveau plus construction, j'ai aussi fait beaucoup de détours par... J'ai fait beaucoup de métiers plus techniques. J'ai été technicienne de son, j'ai été mécanicienne de vélo pendant longtemps. Donc, un intérêt pour le travail manuel, en fait. Mais aussi, dans mon travail, à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point ces deux choses-là ensemble créaient quelque chose de super intéressant pour moi, en tout cas. Dans le sens où ça me permet aussi de, même si je fais beaucoup de performances en live, j'aime beaucoup la notion de m'effacer un peu derrière les choses que je construis. Donc, de fabriquer ses propres trucs, ça permet de pas être seulement une espèce d'instrumentiste qui démontre une virtuosité, mais plus d'être dans une espèce de logique de négociation. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui n'est pas qu'un instrument, quelque chose qui est une patente, une chose, un engin, qui a sa volonté propre, qui fait différents trucs. Moi, j'ai mes propres idées sur qu'est-ce que je voudrais que ça fasse, mais là, il y a comme une espèce d'aller-retour ou de négociation qui se fait entre ces choses-là, qui pour moi est intéressant, parce que même si je joue en solo, ça veut dire que c'est comme si un peu si je jouais avec quelqu'un. Je joue avec la salle, je joue avec le système de son, puis je joue avec mon dispositif, puis son niveau de bonne volonté. Ça m'amène à te poser cette question sur ton processus. Comment démarre chaque projet? Est-ce que c'est à partir d'un objet trouvé? Est-ce que c'est à partir d'une observation à propos d'une installation, d'un dispositif qu'on retrouve là, dans d'autres secteurs d'activité de la vie humaine? Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec les objets trouvés. Une des choses qui relie plusieurs des aspects de mon travail, c'est... Je m'intéresse à travailler pas à partir d'une espèce d'idée abstraite ou prédéfinie, mais à partir de la réalité d'un matériau. Travailler avec des objets trouvés mène ça encore plus loin parce que si tu décides de travailler, par exemple, avec des plaques d'aluminium, tu peux aller en acheter 50, couper sur mesure, faire de la même chose. Donc, c'est un matériau, mais qui va toujours réagir de façon... Il a été manufacturé pour réagir de façon constante. Alors que quand tu es dans le domaine de l'objet trouvé, là, au contraire... Tu travailles vraiment dans l'extrême de à quel point chaque matériau, même des fois, comment plusieurs itérations du même matériau, à travers leur histoire de vie, vont réagir différemment. Donc, j'ai une obsession les derniers temps sur les roches, qui sont un exemple extrême de ça. Même des types de la même roche se sont pas érodés de la même façon, n'ont pas la même forme, n'ont pas le même poids, réagissent pas de la même façon. Donc, on est toujours comme sur le bord de la chaise, là, tu sais, en espèce de tension face à un objet qui a sa propre trajectoire, disons. Oui, oui. Et est-ce qu'on peut dire sa propre personnalité aussi sur le plan sonore? Oui, complètement. Parce qu'évidemment, là, tout ça va modifier sa façon de bouger, sa façon de raisonner, et ainsi de suite. Donc, c'est une façon de ne pas imposer trop une espèce d'idée préconçue sur des matériaux, puis aussi de se laisser surprendre par arriver à un endroit. Des fois, tu arrives à un endroit, tu dis « Ah, ben je vais ramasser telle chose. » Finalement, tu trouves complètement autre chose. Ça fait dérailler le projet, mais d'une façon qui t'amène ailleurs. Donc, c'est une façon aussi de ne pas trop rester dans les mêmes ornières tout le temps. Thank you. CKRL, communication, culture. Alors voilà, on poursuit en seconde partie d'émission L'accroche-oreille. Vous êtes sur les ondes 89,1 et on poursuit notre échange avec Anne-Françoise Jacques, une artiste qui vit, travaille à Montréal, dont le travail sonore est construit de matériaux trouvés, comme elle nous l'a raconté jusqu'à maintenant. Elle amalgame des objets à des machines low-tech formées avec des petits moteurs, des bouts de ficelle, un amas de gravier ici, un bout de papier là-bas. Bref, sa pratique prend des formes variées, parfois sous l'intitulé de performance, installation sonore, intervention dans des espaces non conventionnels, bandes, sons pour films d'animation et création radiophonique. Anne-Françoise Jacques s'intéresse à l'utilisation de différentes techniques d'amplification, d'enregistrement et de reproduction sonore pour sensibiliser l'auditoire, le public à cet environnement matériel du monde qui génère, produit, fait vibrer le monde par bien des sonorités. Alors, Anne-Françoise Jacques a présenté plusieurs installations sonores, performances en direct au Québec, au Canada, à l'étranger. Elle a récemment réalisé une résidence de création à la Strat Galerie de Sackville au Nouveau-Brunswick. Eh bien, là-dessus, on poursuit ensemble cet entretien que j'ai réalisé avec Anne-Françoise il y a quelques semaines, alors qu'elle réalisait une résidence et une performance, accompagnée d'une performance présentée chez Avatar à la rentrée culturelle. Elle faisait ça avec Éric Normand, le créateur sonore musicien. Ça se passait en septembre dernier, une performance intitulée « Bande de cabochons », comme je le mentionnais, un titre évocateur qui rappelle le côté à la fois un peu approximatif et très, très ludique de leur création. Et voilà, qui nous rappelle tout le processus de création est très souvent soumis à cette idée de l'essai et de l'erreur. Alors, ça, c'est un peu leur manière de travailler, leur marque de commerce. Alors, on écoute la suite de cet entretien avec Anne-Françoise Jacques. Anne-Françoise, ce travail là, installatif qui combine de manière très songée, je vais dire ça comme ça, un des dispositifs faits par toi-même, des objets trouvés, une forme de bricolage, d'improvisation, tout ça, relève probablement de sources d'inspiration particulières. Il y a probablement des artistes qui t'ont influencé ou des intellectuels, peu importe. Puis j'aimerais ça t'entendre sur tes sources d'inspiration en général, quand tu amorces ou tu mènes un projet de production artistique ou sonore, là. Oui, ben, je pourrais parler de beaucoup de gens, mais ce qui me vient peut-être le plus immédiatement présentement, c'est pas sont pas les grandes sources magistrales historiques, mais plus des gens qui travaillent maintenant puis qui me font rebondir beaucoup dans mon travail. Il y a une personne présentement avec qui j'ai travaillé un peu, mais qui me bouscule beaucoup au niveau des idées. C'est un, C'est un artiste japonais qui s'appelle Takemitsu Ota, qui est un artiste sonore, mais qui est aussi un artiste d'installation visuelle, qui a développé beaucoup de systèmes très, très simples, je trouve très élégants, au niveau de petites interactions entre, en fait, des phénomènes climatiques. Puis lui, il trouve des façons de traduire ça ou de les rendre visibles. Donc, il y avait toute une installation dans un étang où le passage des nuages ou le passage d'un animal allait juste comme allumer ou éteindre différents petits systèmes. Un autre dispositif qu'il avait fait où il y avait des ventilateurs en galerie qui s'allumaient ou qui s'éteignaient seulement en fonction du vent à l'extérieur. Donc, des trucs très peu spectaculaires qui font en fait à peine créer quelque chose, peut-être juste comme prendre quelque chose qui existe déjà puis le déplacer. Donc, c'est des choses qui me... Une des choses qui me fascine. Oui, qui t'inspire. Ouais. D'ailleurs, on va écouter un extrait d'une œuvre sonore de cet artiste japonais, Katsumitsu Ota. Thank you. Anne-Françoise, tu as réalisé récemment une résidence là, de presque 5 semaines à Sackville, au Nouveau-Brunswick, dans un centre spécialisé. J'aimerais ça que tu nous parles de cette résidence. Oui, c'était la galerie Strotz. En fait, c'est une galerie et un centre d'art médiatique, donc Strotz et Fawcett Media Art Center. Ça a vraiment été une expérience magnifique. J'aime beaucoup travailler en résidence parce que le fait de ne pas être chez soi, mais de ne pas nécessairement avoir la pression d'arriver avec un travail fini à la fin, souvent c'est des contextes qui sont vraiment stimulants. Puis c'est vraiment ce qui s'est passé dans cette résidence. Je suis arrivée là en n'ayant pas d'idée vraiment claire de sur quoi j'allais travailler. Puis finalement, presque dès que je suis arrivée là, je me suis mis à travailler sur des constructions, je dirais presque des sculptures, des trucs beaucoup plus gros et élaborés que ce que je fais généralement. Je pense à la fois parce que je travaillais dans une galerie, donc un espace ouvert, bien éclairé, qui est tout ce que mon atelier n'est pas. Donc, j'avais de la place pour essayer des choses, essayer des plus grandes choses, puis les voir coexister. Puis d'autre part, parce que souvent, ben, déjà pas en ville, puis je trouve dans l'Est du Canada, il y a souvent, dès que tu te promènes, il y a des tas de choses abandonnées, d'objets, de matériaux. J'ai trouvé là-bas, il y avait un site abandonné d'une ancienne fonderie qui a fermé, des bouts de métal tout pliés, toutes sortes de rejets industriels, mais complètement fascinants. Là. Déjà, les objets en soi comme avaient envie d'aller quelque part, ils avaient envie de devenir quelque chose. Donc, ça a vraiment été intéressant, puis ça a donné comme une espèce de résultat assez drôle pour moi, où j'ai fait des objets ou des assemblages beaucoup plus imposants, beaucoup plus grands que d'habitude. Et en contraste de ça, l'aspect cinétique et sonore était plus discret que jamais. Donc, des très grandes choses avec un élément qui bouge très lentement, des mouvements à peine perceptibles, puis le son, en fait, beaucoup de silence, puis une fois de temps en temps, une petite interruption sonore. Donc, c'est vraiment juste dans l'accumulation de ces choses-là qu'il y a un environnement qui se créait. Fait que je suis encore en train d'essayer de digérer ça. C'est comme quelque chose qui est arrivé sans nécessairement que j'ai eu l'intention que ça arrive. Puis là, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut arriver avec ça, mais je suis... Ça pourrait donner lieu là, à une prochaine installation, une prochaine diffusion de cette œuvre, le résultat de la résidence. Oui, complètement, mais même aussi à une nouvelle direction de recherche, en fait, comme des nouvelles directions à explorer. Thank you. Anne-François, j'aimerais qu'on parle, pour terminer, de tes projets actuels. Bon, il y a celui que tu fais ici en collaboration avec Éric Normand, mais sur le plan personnel, il y a des projets, j'imagine, que tu mènes là, actuellement. J'aimerais t'entendre là-dessus, un peu pour ouvrir sur l'avenir de ta production. Oui, fait qu'est-ce qui se passe présentement? Je suis en train de travailler sur une installation solo, donc un projet un peu à plus long terme, et puis où j'explore. Il y a encore l'aspect de précarité qui est présent dans mon travail avec Éric, mais là, c'est une précarité gérée différemment, parce qu'il faut quand même que ça fonctionne comme installation pendant plusieurs semaines. Donc, c'est une chose que je trouve assez intéressante, là, de travailler sur cette zone limite-là. Sinon, j'ai un projet de collaboration avec une artiste qui s'appelle Ryoko Akama, qui est une artiste sonore japonaise, elle aussi, mais qui habite en Angleterre présentement. Donc, on a quelques projets d'installation et de concerts ensemble qui s'en viennent. J'ai aussi un projet en cours, mais là, c'est je suis presque un peu gênée d'en parler parce que je ne sais pas exactement où est-ce que ça va être présenté ou quand. Mais ça fait plusieurs années que j'ai des projets de collaboration avec Julie Doucet, qui est une artiste, qui est une BDiste, en fait, qui est maintenant artiste du livre et de l'impression et de l'écriture. Et on avait fait plusieurs projets, dont des films d'animation avec Julie. Puis là, on a un projet d'installation ensemble. Donc, moi, je m'occupe de l'aspect sonore. Julie a toutes sortes d'espèces de constructions. Mais je ne veux pas en dire trop. Mais bon, y a quelque chose qui s'en vient là-dessus, qui est un projet qui me stimule beaucoup. Et Anne-Françoise, ben, écoute, je te remercie infiniment. Ça a été vraiment très agréable de t'entendre. Ben, merci à toi. Alors voilà ce qui achève l'accroche-oreille sur cette pièce intitulée « Morceaux de Founf », une création du collectif Founf, dont fait partie Anne-Françoise Jacques, une très belle compilation sonore que vous pouvez retrouver sur le site d'Avatar. Alors, dans les prochaines minutes, Simon Roy avec Web Music suit l'émission. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL, le 89,1. un, je vous invite, en attendant, à jeter un coup d'œil sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous allez retrouver toutes les références aux pièces qu'on a fait jouer ce soir, ainsi que dans les émissions précédentes, et vous aurez aussi accès au balado. Alors, comme mot de la fin, je vous dis, soyez attentifs aux sonorités autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. L'accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. ckrl.qc.ca